Merde, je me suis enregistré toussé. C'est un super slow français. Les Parisiens ils connaissent Edith Piaf et Champs-Élysées. Et si ce soir on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. C'était pour ton bien de danser très doux et de se fondre au point d'oublier tout autour de nous. C'était pour ton beau et moi j'étais pour finir sur mi-vive bleu pour commencer l'amour. Allez! Et si ce soir on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. Dylan. Solo. Thank you. You could play a new song. C'est fini le dernier slow. C'était pas bon. If you want to play on this loop drum, play what you want, not the same song. Dernier slow, c'est fini. We'll be right back. I know this song. You play the bass of holidays. When you took a holiday, ooh, holidays. Took a holiday. Madonna. I'm never weak enough. Don't tell me, tell me. de Guyava, Israël. De la pizza. 3. Yeah. merci Paris. Oh là, il est fort lui. C'est un peu fort lui. Il est sourd. T'es trop fort. T'es juste trop fort. Brésil, un peu fort Brésil. Et ouais, c'est super haut. Ignorer, oh oh. Surtout là, le passage comme ça. Celui-là là. But you see, it's not me. Ça là. But the sea is not me, is not my family. In your world, they're fighting with the town and the bomb and the bomb and the gun. In your world, they're crying. In your stop. J'ai plus de voix. Je me suis niqué la voix en chantant un zombie. Et bravo le bassiste. I like the bass. Man. Thank you.